إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. نعم، donc on est aujourd'hui au cours numéro 35 dans la lecture de Al-Fatwa al-Hamawiyya. On a commencé ce cours il y a assez longtemps, puis il y a eu différentes interruptions dernièrement puisqu'il y avait beaucoup de choses qui se passe ici. Bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de changements. Comme vous savez maintenant, alhamdoulilah, on a la mosquée Zoun Nourain à Montréal, donc alhamdoulilah, les choses avancent petit à petit. Toutefois, on n'a pas encore terminé tous les travaux. On est encore dans la rénovation. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ce soit complété. Donc, en attendant, quand même, on peut avancer un peu, Inch'Allah, dans le cours et essayer de profiter. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire, Inch'Allah? On va faire l'introduction du cours d'aujourd'hui. On va s'arrêter dans quelques minutes parce que dans environ 10 minutes, ce sera la salat de Dhuhr. Donc, on va s'arrêter pour la salat. Puis on va revenir pour compléter la suite du cours, Inch'Allah. Donc, c'est juste pour dire que je voulais commencer avant la salat, tel que prévu. Sinon, je devais commencer beaucoup plus tôt. Mais malheureusement, ce n'était pas possible pour aujourd'hui. Donc, on a commencé au dernier cours. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué, on était rendu au point où l'imam, le cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il commence à citer des paroles des salafs qui expliquent le manhaj des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi leur méthodologie par rapport aux noms et aux attributs d'Allah, et en particulier deux des attributs, c'est al-istiwa ou al-fawqiyya, c'est-à-dire al-istiwa, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé au-dessus de sa création, au-dessus de son trône, et al-fawqiyya, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit décrit comme étant au-dessus de sa création, au-dessus de tout. Donc, on a mentionné au dernier cours des paroles de différents imams parmi les imams des salaf al-salih. On a cité la parole de Sufyan ibn Uyayna. Et on a l'imam Sufyan ibn Uyayna qui cite la parole de Rabi'a au sujet de la parole d'Allah Ar-Rahman al-Arsh istawa. Et il y a la parole également de son élève Malik, l'imam Malik ibn Anas. Et on a mentionné également que cette parole-là avait été également rapportée de la part d'une des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Umm Salama. Toutefois, comme les ulama ont expliqué que cette parole est authentique uniquement de l'imam Malik et elle n'est pas rapportée de façon authentique de la part de Umm Salama. Toutefois, les ulama, ils la mentionnent, hein, ils la mentionnent et ils la citent quand même pour yani, supporter sa, la signification de cette parole. Ensuite, on a mentionné les paroles yani, de d'autres imams qui confirment que ils sont tous d'accord avec ce principe qu'on a mentionné de, du fait de dire que l'istiwa il est connu et le commun est inconnu. Il n'est pas, on ne peut pas le comprendre, le commun. Et d'y croire est une obligation et de questionner à ce sujet-là est une innovation, est une bid'a. Donc ça, on a mentionné que c'est un principe qui s'applique à toutes les attributs d'Allah, pas seulement à l'istiwa. On a mentionné également les paroles de d'autres parmi les imams qui ont dit Amirruha kama ja'at bila kayf. Amirruha kama ja'at bila kayf. Et on a expliqué qu'est-ce que ça signifie. On a expliqué qu'est-ce que ça signifie et que c'était une réfutation des Mushabbiha et des Jahmiya, ceux qui nient, ceux qui affirment une ressemblance avec Allah subhanahu wa ta'ala entre les créations et entre le créateur et la créature, et ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est une négation et une réfutation de ces deux groupes d'égarements, le groupe des Mushabbiha, hein, ceux qui comparent Allah à sa création et qui décrivent Allah par les attributs de sa création. Donc on a dit que ça c'est shirk et que c'est kufr, hein, comme par exemple celui qui dirait par exemple la main d'Allah et la main des êtres humains c'est exactement la même ou c'est pareil ou ça, ça se ressemble. Celui qui dirait ça par exemple, ça c'est une parole de shirk et de kufr. Et celui qui dit par exemple Allah n'a pas de main et on n'affirme pas à Allah une main, ça c'est également une parole de kufr, puisque c'est de nier ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé. Et la parole des salafs c'est de plutôt affirmer l'attribut tel quel et de ne pas chercher à connaître la description et le commun de cet attribut là Amirruha kama ja'at, hein? C'est-à-dire réciter le verset et réciter la, parler, mentionner l'attribut tel quel sans essayer de connaître le, ou d'écrire le commun, parce que le commun n'est pas mentionné, hein, par Allah et on ne connaît pas le commun. Et Cheikh l'Islam il a mentionné un argument très intéressant ici ensuite, c'est que ceux qui prétendent que dans cette parole les salafs voulaient nier le commun lui-même, c'est-à-dire de, d'essayer de nier que il y a une description ou un commun à la base, hein, comme tu entends ça souvent de la part des Jahmiya, hein, et des Asha'ira, des Ahbash parfois, la secte des Ahbash, ils disent, ils pensent que la signification de la parole sans commun, ça veut dire qu'il n'y a pas de commun, hein, c'est-à-dire de mentionner les attributs, mais de nier la description de ces attributs-là de façon absolue. Mais c'est pas ça ce que ça signifie. Quand on dit sans commun ou avec sans kayf, ça veut dire plutôt qu'on ne connaît pas le kayf. Il y en a une description, il y en a une attribut, sauf qu'on ne la connaît pas et on ne sait pas de quelle façon elle est, hein, puisque Allah ne nous l'a pas dit. Et s'il n'y avait pas de commun du tout, s'il n'y avait pas de description du tout, on n'aurait pas besoin de dire Amirruha kama ja'at bila kayf. Donc c'est, en même temps c'est une réfutation de ce qu'ils prétendent. On est arrivé maintenant à la parole de qu'est-ce qui est rapporté de l'imam Ibn al-Majishun. Ibn al-Majishun, et cette parole elle est rapportée dans différentes sources, dans différentes références dans les livres de la Sunna. Donc Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il mentionne par exemple que l'imam al-Asram l'a cité dans son livre As-Sunna. L'imam Al-Asram l'a cité dans son livre As-Sunna. Et on a parlé, et on a mentionné déjà qui était l'imam Al-Asram. Hein, si je me trompe pas, on a parlé de ça. On avait expliqué que Al-Athram, c'est, son nom c'est Ahmad ibn Muhammad, Ahmad ibn Muhammad, ibn Hani Al-Athram Al-Ta'i, c'est un des élèves de l'imam Ahmad. Donc Al-Athram, c'est un des élèves de l'imam Ahmad. Ahad Ruwat Al-Madhab Al-Hambali, donc c'est un des rapporteurs du madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il est mort en l'an 273 de la Hijra. Il a plusieurs livres dans As-Sunan, dont un livre dans Ilal al-Hadith, et il a un livre qui s'intitule Kitab al-Sunnah, et c'est de ce livre qu'il cite donc cette parole de l'imam Ibn al-Majishun. Ok, donc Al-Athram, un des élèves de l'imam Ahmad, cite la parole de l'imam Ibn al-Majishun dans ce livre. Il y a également une autre source que l'imam Ibn Taymiyyah a citée, c'est le livre de l'imam Abu Abdillah Ibn Battah, dans son livre qui s'intitule Al-Ibana. Et on a parlé de l'imam Ibn Battah, Abu Abdillah Ibn Battah, également dans les cours précédents. Son nom c'est Abu Abdillah, Ubaydillah Ibn Muhammad, Ibn Muhammad Ibn Battah. Et on mentionne qu'il a beaucoup voyagé dans la quête de la science, et c'est quelqu'un qui s'écartait des fitanes, c'est quelqu'un qui avait beaucoup d'adoration, c'est quelqu'un qui est du madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il y a beaucoup de choses qui sont rapportées, qui sont mentionnées à son sujet comme bonne qualité et bon comportement, et beaucoup d'adoration et beaucoup de science. Il est né en l'an 304 et il est mort en l'an 378. Et il a de nombreux ouvrages, de nombreux livres dans la Sunna. Par exemple, il a un livre qui s'appelle Ibtal al-Hiyal et un livre qui s'appelle Al-Sharh wal-Ibana ala usul al-Sunnati wal-Diyana. Et c'est le livre qu'on appelle Al-Ibana al-Sughra. Et il a aussi Al-Ibana al-Kubra. Et c'est de ce livre-là qu'on trouve plusieurs citations des salafs sur la aqida et le manhaj. Donc ça c'est une autre référence qui est mentionnée par l'imam Ibn Taymiyyah dans son livre, qui montre que Ibn Taymiyyah se réfère au livre des imams des salafs pour affirmer et confirmer sa position au sujet des noms et des attributs d'Allah et des autres éléments de la croyance islamique. Donc certaines personnes parfois ils pensent que on prend Ibn Taymiyyah comme référence uniquement parce que c'était un grand savant et que comme si Ibn Taymiyyah avait inventé quelque chose de nouveau. Et bien on voit ici la preuve que c'est faux, puisque Ibn Taymiyyah n'a rien inventé de lui-même. Tout ce qu'il faisait c'est de ramener les paroles des salafs et des ulama qui l'ont précédé, qui ont rapporté les paroles des salafs, et de les défendre et de les supporter et de les mettre de l'avant. Et donc il faisait que ramener les paroles des ulama, des salafs qui l'ont précédé, pour défendre la position des salafs salih. Donc ça c'est un point important aussi. Il y a une autre référence qui est mentionnée, c'est Abu Amr al-Talmanki. Abu Amr al-Talmanki qui a cité cette parole également, et d'autres aussi. Et ils l'ont rapporté avec une chaîne de transmission authentique selon Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Abi Salama al-Majishun. C'est celui qu'on appelle Ibn al-Majishun. C'est un des imams de Médine. L'imam Ibn Taymiyyah dit wa huwa ahad a'immat al-Madina al-thalatha alladhina hum Malik ibn Anas wa ibn al-Majishun wa ibn Abi Dhib. Donc c'est les trois imams de Médine, les trois grands imams de Médine dans la religion sont premièrement l'imam Malik ibn Anas, ensuite Ibn al-Majishun, celui dont on va mentionner la citation, puis le troisième, Ibn Abi Zi'b, Ibn Abi Zi'b, qui est un autre imam parmi les imams de la ville de Médine. Donc juste pour prendre une pause ici pour qu'on puisse faire la salat, et on reprend tout de suite après, inshallah, avec la petite description de qui est l'imam Ibn al-Majishun et qui sont les imams mentionnés. Donc on reprend, inshallah. Donc on a expliqué que, comme Cheikh al-Islam, il cite maintenant la parole de l'imam Abdelaziz Ibn Abdullah Ibn Abi Salama al-Majishun, qui est un des trois imams de Médine. Donc Abdelaziz Ibn Abdullah Ibn Abi Salama Ibn al-Majishun Abu Abdullah al-Taymi fait partie des imams de l'islam. Wakana min ahl al-Madina, faisait partie des gens de Médine. ثم رحل إلى بغداد وبقي فيها إلى أن توفي. Donc il fait partie des gens de Médine, puis il est parti à Bagdad ensuite. Il est mort là-bas. ورواية أهل العراق عنه أكثر من أهل المدينة. Donc les gens qui ont rapporté de lui parmi les gens de l'Irak sont plus nombreux que les gens de Médine. وهو أحد الفقهاء أحد فقهاء أهل المدينة. Donc c'est un des فقهاء de Médine. Il est mort à Bagdad en l'an 164 de la Hijra. Et Al-Khalifa Al-Mahdi a prié sur lui. يقال إنه نظر مرة في شيء من سلب الصفات لبعضهم فقال هذا كلام هدم بلا بناء وصفة بلا معنى. وقد نودي مرة بالمدينة بأمر المنصور لا يفتي الناس إلا مالك وعبد العزيز ابن الماجشون. سبحان الله. نعم. Donc il a critiqué les gens de Kalam, il a critiqué les gens qui nient les attributs d'Allah. Il a dit ça, il a décrit leurs paroles en disant que c'était de la destruction sans construction et des attributs sans signification. Leur méthodologie a été critiquée, il les a critiqués. Et à un moment donné même que Al-Mansour, un des Khulafa, avait appelé à Médine en disant, ou un des Umara, il avait ordonné que ce soit qu'il n'y ait personne à Médine qui fasse de fatwa excepté l'imam Malik et Abdelaziz Ibn al-Majishun. Il fait partie des grands imams. Lui, Ibn al-Majishun, ainsi que l'imam Malik, bon, l'imam Malik il est connu, et l'imam Ibn Abi Dhib, son nom c'est Muhammad Ibn Abdurrahman Ibn al-Mughira Ibn Abi Dhib, Abu al-Harith al-Qurashi al-Madani al-Faqih. Donc c'est quelqu'un d'origine de la tribu de Quraysh qui vivait à Médine. C'est un grand savant de l'islam. وكان ذا صلاح ويقول كلمة الحق ولا يخشى أحدا. Donc il craignait personne et il entrait même chez les dirigeants et il leur donnait le bon conseil et il critiquait s'il faisait quelque chose de mal. Pas comme les Hizbiyin aujourd'hui qui font la fitna, qui montent sur les mimbars et qui commencent à parler contre les dirigeants et contre le gouvernement en public. Non, lui il était courageux, il n'était pas comme ceux-là. Il faisait pas la fitna en même temps, il allait directement les voir en personne face à face et il leur ordonnait le bien et il leur interdisait le mal en privé, comme c'est la manière des salafs de le faire. Et il est mort en l'an 159 de la Hijra, cet imam Ibn Abi Dhib. Donc c'est un des trois parmi les ulama de Médine. Donc c'est lui, c'est un des trois, puis c'était juste pour montrer en même temps qui est Ibn al-Majishun. Donc Ibn Taymiyyah cite la parole de Ibn al-Majishun, mais en même temps il veut nous faire comprendre que c'était pas n'importe qui, que c'était un grand imam. Et pour nous montrer la grandeur, sa grandeur et son niveau dans la science, il nous mentionne des imams de Médine qui étaient de sa catégorie. Alors il nous cite l'imam Malik et l'imam Ibn Abi Zayd. Donc c'est pour montrer que ce n'est pas la parole de n'importe qui. Et lorsqu'il parle contre les gens de Bid'a ou contre les Jahmiya, eh bien c'est pour montrer que c'est une parole qui a du poids et en même temps qui confirme la position des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc, quand on lui a posé au sujet des Jahmiya qui nient les attributs d'Allah, on lui a posé la question à Ibn al-Majishoun et il a répondu par un texte, par un énoncé, et c'est l'énoncé qu'on va lire à présent. Ok, la parole de l'imam Ibn al-Majishoun, elle prend plusieurs pages. C'est pas une petite parole, c'est assez long. Et ça touche plusieurs points. Plusieurs points. Pas seulement un seul point par rapport, par exemple, au fait, à l'attribut de Al-Istiwa, mais ça touche aussi d'autres éléments de la Aqida et d'autres éléments au sujet des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc on va lire cette parole fur et à mesure. Na'am. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Amma ba'd ». فقد فهمت ما سألت عنه فيما تتابعت الجهمية ومن خالفها في صفات الرب العظيم الذي فاقت عظمته الوصف والتقدير وكلت الألسن عن تفسير صفته وانحسرت العقول دون معرفة قدره وردت عظمته العقول فلم تجد مساغا فرجعت خاسئة وهي حسيرة وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيما خلق بالتقدير وإنما يقال كيف لمن لم يكن ثم كان أما الذي لا يحول ولا يزول ولم يزل وليس له مثل فإنه لا يعلم كيف هو إلا هو وكيف يعرف قدر من لم يبدأ ومن لم يمت ولا يبلى وكيف يكون لصفة شيء منه حد أو منتهى يعرفه عارف أو يحد قدره واصف على أنه الحق المبين لا حق أحق منه ولا شيء أبين منه والدليل على عجز العقول في تحقيق صفته وعجزها عن تحقيق صفة أصغر خلقه لا تكاد تراه صغرا يحول ويزول ولا يرى له سمع ولا بصر يعني لا يرى له سمع ولا بصر لما يتقلب به ويحتال من عقله أعضل بك وأخفى عليك مما ظهر من سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين وخالقهم وسيد السادات وربهم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc on va commencer par essayer de traduire cette première partie de la parole de l'imam Ibn al-Majishoun. Donc il a dit: j'ai compris ce que tu m'as demandé au sujet de la question des Jahmiya et au sujet de ce qu'ils ont contredit par rapport à l'affirmation des attributs d'Allah, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il commence à expliquer que déjà en partant, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement grand et tellement tout puissant que on n'est pas capable de comprendre sa grandeur, de concevoir sa grandeur. Et nos langues sont limitées. par rapport à la description justement de cette grandeur-là et de cette perfection. Et même notre intelligence, hein, elle atteint la limite et elle est dépassée, hein, par, yani, yani, par rapport à la grandeur d'Allah et à sa puissance et à sa perfection. Alors les êtres humains, lorsqu'ils essaient de réfléchir ou de penser à la perfection d'Allah et à sa grandeur et à sa connaissance et à sa science et à toute sa perfection, eh bien, ils restent sans aucun moyen, sans aucune capacité à la fin, parce que ça les dépasse complètement. Donc, c'est ce qu'il exprime et c'est ce qu'il essaie de faire comprendre. Donc, qu'est-ce qu'on a été ordonné de faire, nous? C'est pas de réfléchir sur Allah subhanahu wa ta'ala et d'essayer de comprendre ou de connaître Allah subhanahu wa ta'ala et de le décrire. Qu'est-ce qu'on a été ordonné de faire, nous? C'est de réfléchir justement sur sa création, sur ce qu'il a créé. Mais on peut pas essayer de décrire Allah ou de comprendre comment il est. Il dit, tu peux pas demander comment à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin, hein, et il est parfait, hein, il n'a pas de début, il n'a pas de fin, et personne ne sait comment il est excepté lui. Donc essaie même pas de comprendre comment il est, n'essaie même pas de le décrire, d'essayer de comprendre la description de ses attributs. Hein, comment pourrais-tu même essayer de l'imaginer, hein? Donc, c'est ça ce que l'imam Ibn Majishun explique ici, et c'est ça ce qu'il essaie d'exprimer. Il a dit, tu ne peux pas le décrire, hein, tu ne peux pas essayer de comprendre comment sont ses attributs. Hein. Même si tu es la personne la plus savante au monde, la plus intelligente au monde, tu es limité par rapport à ça. Parce qu'il ne te l'a pas mentionné, il ne t'a pas parlé de la description de ses attributs. Donc, tu ne peux pas parler de ce que tu ne sais pas. Non. Donc ça, c'est ce qu'il explique. Puis après, il dit, pour donner une preuve de l'incapacité de la raison et de la logique des êtres humains à essayer de décrire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, ils ont juste à essayer de regarder dans les plus petites créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des bêtes, des insectes, des créatures qui sont tellement petites qu'on n'est même pas capable de les imaginer tellement elles sont petites. Et elles ont des corps tellement fins, tellement petits, hein, on se demande comment il peut y avoir dans ces insectes-là ou dans ces créatures-là qui sont infiniment petites, comment il peut y avoir un cerveau, un système nerveux, un intestin, des yeux, yani des oreilles, une bouche, hein, pour un insecte, pour une créature d'Allah, hein, puisqu'elles sont tellement petites, et comment yani elles sont infiniment petites qu'on peut même pas les voir à l'œil nu. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala est capable de créer des créatures aussi petites, et de faire en sorte qu'elle soit capable de voir et d'entendre et de yani bouger et ainsi de suite. Donc si toi t'es incapable de décrire ça, hein, alors que c'est des créatures, eh bien comment pourrais-tu essayer d'imaginer être capable de décrire le créateur de l'univers, le maître de toutes choses, hein? Et il mentionne en disant à la fin, laisse comme lui شيءٌ وهو السميع البصير, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 11 dans sourate Shura, qui signifie que rien n'est comparable à lui, rien ne lui ressemble, et il est l'audient et le voyant. Donc ça, c'est l'exemple que l'imam Ibn Majishun a donné pour faire comprendre aux hommes comment ils doivent agir vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah, et qu'ils doivent avoir une attitude plutôt de soumission face aux noms et aux attributs, c'est-à-dire de croire en ce que Allah a dit à propos de sa personne, à propos de ses attributs, et de ne pas essayer de les imaginer ou de comprendre le commun de ses noms et de ses attributs, mais de se soumettre, hein, et de ne pas les nier également, de ne pas tomber dans la négation, contrairement au Jahmi. Il continue ensuite à donner des exemples. Il dit « I'arif rahimakallah » غناك عن تكلف صفة من لم يصف ما لم يصف الرب من نفسه بعجزك عن معرفة قدر ما وصف منها. Donc il dit, sache que Allah te fasse miséricorde, que yani tu as aucun besoin d'essayer de te forcer ou d'essayer de te compliquer la vie à décrire les attributs que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mentionné à propos de sa personne, en te limitant à comprendre ton incapacité de connaître la valeur et la grandeur de ce qu'il t'a décrit. Hein? Donc, ce qu'il t'a mentionné à propos de sa personne, Allah subhanahu wa ta'ala, tu n'es même pas capable de comprendre sa grandeur et de l'imaginer. Donc, tu es encore plus incapable de comprendre et d'imaginer ou de décrire ce qu'il ne t'a pas mentionné à propos de sa personne. Hein? Si tu ne peux pas comprendre ce qu'il t'a mentionné, ce qu'il ne t'a pas mentionné à propos de sa personne est encore plus compliqué à comprendre, encore plus impossible à comprendre, donc ne rentre même pas là-dedans. Mais contrairement aux gens de Kalam, malheureusement, c'est ça ce qu'ils font. Ils essaient de rentrer dans la description de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre et de ce que Allah n'a même pas mentionné. Hein? Et donc c'est une façon comment ils rentrent dans l'égarement. Et c'est ça la voie, malheureusement, la voie des philosophes. C'est d'essayer de parler d'Allah, le créateur des cieux et de la terre, en se basant uniquement sur leur raison et leur logique. Et c'est comme ça qu'ils s'égarent. Ils jettent de côté la révélation d'Allah. Et ce que Allah a dit à propos de sa personne, ils le jettent, ils le mettent de côté, comme si ça n'avait pas de valeur, comme si ça n'avait pas d'importance, hein? Et au lieu de ça, ils se réfèrent à quoi? À leur logique, à leur philosophie, à leurs principes rationnels qu'ils ont inventés, et ils pensent que c'est par cette façon-là qu'ils vont arriver à connaître ou à comprendre qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est clair que c'est de l'égarement. Ensuite, il dit إذا لم تعرف قدر ما وصف فما تكلفك علم ما لم يصف. T'es pas capable de comprendre ce qu'il t'a décrit. Donc pourquoi tu veux essayer de te compliquer ou de te rendre les choses compliquées en essayant de comprendre ce qu'il n'a pas décrit, hein? Tu peux pas. Hein? Tu peux pas envelopper Allah subhanahu wa ta'ala de ta science. T'es pas capable de. Tu peux pas de faire. C'est impossible. Donc pourquoi tu cherches à te mettre dans des problèmes en parlant d'Allah subhanahu wa ta'ala sans science. Ensuite, il dit هل تستدل بذلك على شيء من طاعته او تنزجر به عن شيء من معصيته. Donc il pose une question, l'imam Ibn al-Majishun. Il dit, en rentrant dans ce genre de philosophie là et en essayant d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala à ta façon, est-ce que tu penses que tu vas utiliser ça comme un élément qui va être une preuve pour toi, pour t'aider dans son obéissance, ou pour t'aider à t'écarter de ce qu'il t'a interdit pour que tu ne tombes pas dans sa désobéissance, hein? C'est quoi le but? C'est quoi l'objectif? Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a déjà dit tout ce qu'on avait besoin de savoir au sujet de sa personne, dans sa révélation, pour arriver à le craindre, pour arriver à être capable de faire qu'est-ce qui nous amène à son obéissance et qu'est-ce qui nous écarte ou nous aide à nous écarter de ce qu'il nous a interdit. Pourquoi tu veux rentrer dans quelque chose de plus, hein? Pourquoi tu veux essayer de rentrer dans des choses que Allah n'a pas mentionnées à propos de sa personne? Il dit ensuite فَأَمَّا الَّذِي جَحَدَ مَا وَصَفَ الرَّبُّ مِنْ نَفْسِهِ تَعَمُّقًا وَتَكَلُّفًا فَقَدْ إِسْتَهْوَتْ الشَّيَاطِينَ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانِ فَقَدْ إِسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانِ فَصَارَ يَسْتَدِلُّ بِزَعْمِهِ عَلَى جَحْدِ مَا وَصَفَ الرَّبُّ وسمى من نفسه بأن قال لا بد إن كان له كذا من أن يكون له كذا فعمي عن البيان بالخفي فعمي عن البين بالخفي وجحد ما سمى الرب من نفسه بصمت الرب عما لم يسم منها فلم يزل يملي له الشيطان حتى جحد قول الرب عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Donc, pour expliquer ce passage, ici il dit, l'imam Ibn al-Najishun, il dit, celui qui nie ce que Allah a décrit, sa personne, ce que Allah a mentionné comme attribut et comme description pour lui-même, en essayant de se compliquer les choses, en essayant de rentrer dans les détails, alors c'est comme celui que le shaytan a égaré par sa passion et qui est devenu confus et perdu sur la terre. Alors il a essayé d'utiliser la négation des attributs comme argument par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Donc il pense ou il prétend que la négation est une preuve pour lui et un argument pour lui. Donc il commence à dire des choses comme si on affirmerait telle chose à Allah, ça voudrait dire que Allah a telle ou telle chose. Donc ça c'est l'exemple des arguments qu'il présente. فعمي عن البيان بالخفي يعني أن الله تعالى وصف نفسه بالعلم والقدرة والسمع فهذا بين واضح فكيف يعمى عن هذا الشيء الواضح بشيء يقدره من نفسه. الله سبحانه وتعالى s'est décrit par des choses claires, des choses évidentes et apparentes et faciles à comprendre. Il nous a dit qu'il avait de la science, qu'il était l'omniscient, qu'il savait, qu'il sait tout, qu'il est le Tout-Puissant, qu'il a l'ouïe, qu'il a la vue, et ainsi de suite. Ce sont des choses claires. Donc pourquoi tu mets ça de côté, puis tu commences à rentrer dans des possibilités ou des suppositions à propos d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là, c'est comme ça qu'ils font. Ils disent par exemple, dans les shubuhat qu'ils jettent aux gens, ils disent mais si Allah parle, ça voudrait dire dans ce cas-là que il a ça ou il a ça ou il a ça, et c'est comme ça qu'ils utilisent cette méthode pour essayer de premièrement faire ressembler Allah à sa création dans leur imagination. Donc ils tombent dans le tashbih, puis une fois qu'ils sont tombés dans le tashbih, ils tombent dans le ta'til, dans la négation des attributs par la suite, parce qu'ils disent bon, on ne peut pas affirmer que Allah a ces éléments-là ou ces organes-là comme les créatures. Donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut nier les attributs de l'attribut de la parole ou les autres attributs que Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné. Alors qu'à la base, il n'y a même pas de ressemblance entre le créateur et la créature. Donc, pourquoi nier ce qui n'est pas semblable à Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est ça l'erreur de leur méthodologie et de leur égarement. Donc il dit, ils ont nié, donc l'imam Ibn al-Majishun, il dit, ils ont nié ce que Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont nié ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala s'est nommé, et ce par quoi il s'est décrit. Et ils ont essayé de même attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala des choses au sujet desquelles il n'a rien dit. Les choses au sujet desquelles Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien dit, eux, ils essaient de parler. Et ils essaient de mentionner ces choses-là. Et il va donner l'exemple que le shaytan, il dit, le shaytan continue à les égarer et à leur dicter des égarements jusqu'à ce qu'ils arrivent même à nier la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, dans Surat Al-Qiyamah, le verset 22 et 23, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: ce jour-là, des visages seront resplendissants, qu'ils regarderont vers leur Seigneur. Ils regarderont vers leur Seigneur. C'est-à-dire, وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. Ils vont voir leur Seigneur, ils vont le regarder. Ils vont regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont voir leur créateur ce jour-là. Donc eux, ils nient qu'on pourra voir Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement ils nient qu'on va voir Allah, mais ils nient même que ce soit possible de le voir. Et parfois, parmi leurs shubuhat, c'est qu'ils font des comparaisons entre l'impossibilité de voir Allah par les êtres humains, que ce soit impossible de voir Allah dans cette dunya, et ils utilisent ça comme argument pour nier la vue d'Allah au jour de la résurrection ou dans le paradis. Alors qu'on sait très bien que c'est une analogie qui est totalement fausse, puisque si on est incapable de le voir dans cette vie d'ici-bas, ça c'est une chose, c'est vrai, on ne peut pas le voir et c'est impossible pour nous de le voir physiquement, mais dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala va nous donner la capacité de le faire. Et il l'a affirmé dans la révélation dans plusieurs versets. Et on va voir que l'imam Ibn al-Majishun affirme cet attribut-là, que les Jahmiyani, que les Mu'tazila ont nié aussi, et les Asha'ira et les Maturidiyya. Les gens de Kalam qui nient les attributs d'Allah, et donc ils disent personne ne va voir Allah, et les Asha'ira ils disent on ne va pas voir Allah, parce que si on voit Allah, ça veut dire que Allah est au-delà, au-dessus ou dans une direction, et donc si on affirme ça, ça veut dire que dans ce cas-là Allah est un corps, ou ça veut dire que Allah a une limite, ou ça veut dire que si ou ça. Donc ils ramènent plein de shubuhat pour essayer de nier ce que Allah a affirmé. Tais-toi et affirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et essaie pas d'imaginer, et essaie pas de comparer Allah à sa création, et crois en ce que Allah a révélé, et soumets-toi à la parole d'Allah, et sois un croyant, sois un mu'min, au lieu de rentrer dans la négation et dans les shubuhat. Suis la voie des salafs, affirme l'attribut et ne fais pas de comparaison entre le créateur et la créature. Ensuite, il dit, donc, فَلَمْ يَزَلْ يُمْلِي لَهُ الشَّيْطَانِ حَتَّى جَحَدَ قَوْلَ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلْ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ فَقَالْ لَا يَرَاهُ أَحَدٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَجَحَدَ وَاللَّهِ أَفْضَلَ كَرَامَةِ اللَّهِ الَّتِي أَكْرَمَ بِهَا أَوْلِيَاءَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ ونظرته إياهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر وقد قضى أنهم لا يموتون فهم بالنظر إليه ينظرون. Ok, donc il dit l'imam Ibn al-Majishun, il dit donc le shaitan continue à leur dicter de nier ce que Allah a dit, jusqu'à ce qu'il nie la parole d'Allah dans le verset 22 et 23 dans Surat Al-Qiyamah, qui mentionne que les hommes vont regarder leur Seigneur. Et puis il dit ensuite, alors il dit, c'est-à-dire le Jahmi, personne qui nie les attributs d'Allah, il dit, personne ne verra Allah au jugement dernier. Donc il nie explicitement et dit carrément, il dit explicitement quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé explicitement dans le Coran. Et c'est grave comment quelqu'un peut nier les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala de cette façon. Et de nier la parole d'Allah et les versets d'Allah sous prétexte de vouloir défendre Allah et défendre ses attributs, défendre sa perfection. Et Tu nies ce que Allah a révélé sous prétexte que tu veux purifier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est grave. Donc c'est comme quelqu'un qui détruit la religion et qui prétend vouloir la défendre en la détruisant. Allah al-musta'an. Donc c'est ça l'attitude de ces gens-là. Donc qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn al-Majishun? Il dit donc qu'ils ont nié en niant que Allah sera vu au jour de la résurrection, ils ont nié par Allah la plus grande honneur que Allah subhanahu wa ta'ala fait à ses serviteurs rapprochés au jour de la résurrection, par lesquels il les anoblit. c'est-à-dire d'avoir l'opportunité et le privilège de voir et de regarder le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'avoir sur eux le regard d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah les regarde lui aussi. Fi maq'ad sidq 'inda malik muqtadir, c'est-à-dire dans un séjour de vérité auprès d'un souverain omnipotent, c'est-à-dire tout-puissant. Hein? Et ça, c'est le verset 55 dans Surat al-Qamar, qui est le dernier verset de Surat al-Qamar. Donc, il dit ensuite, وَقَدْ قَضَى أَنَّهُمْ لَا يَمُوتُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'ils ne vont pas mourir. Hein? C'est-à-dire dans l'au-delà, une fois que on est ressuscité, yani, si on rentre au paradis, ou les gens qui rentrent en enfer, ils rentrent en enfer, soit ils rentrent en enfer, soit ils rentrent au paradis. Et une fois que ceux qui, parmi les gens du tawhid, yani, qui ont été sur le tawhid, mais qui ont commis des péchés, qui ont mérité un châtiment, vont être en enfer, et Allah va les faire sortir de l'enfer pour les faire rentrer au paradis, il va faire rentrer au paradis tous ceux parmi les gens du tawhid qui sont en enfer jusqu'à ce qu'il fasse sortir celui qui n'avait qu'une atome de foi de son cœur. Une fois qu'il a terminé, une fois que Allah subhanahu wa ta'ala a terminé de faire sortir de l'enfer les derniers d'entre les croyants, il n'y aura plus personne parmi les croyants qui sera en enfer que les kuffar et les mushrikines. Et les croyants vont rester par la suite éternellement au paradis, et les kuffar et les mushrikines vont rester éternellement en enfer, et il n'y aura plus de mort. Il n'y a plus de mort après ça. Une fois que tu es rentré au paradis ou en enfer, après ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il va éliminer la mort. Il n'y aura plus de mort. Donc, à partir de ce moment-là, lorsque les gens sont ressuscités et qu'il n'y a plus de mort, ils sont capables de supporter, de regarder Allah subhanahu wa ta'ala au jour de la résurrection. Allah leur donne la capacité d'être capable de le voir et de le regarder. Et il dit, il a un qal, wa innama jahada ru'yat Allah yawm al-qiyamah iqamatan lil hujjati dhallati al-mudillah li'annahu qad arafa إذا تجلى لهم يوم القيامة رأوا منه ما كانوا به قبل ذلك مؤمنين وكان له جاحدا. يعني إذا تجلى الله لهم يوم القيامة فساعة إذن يرون ما أقر به المؤمنون من صفاته عز وجل وكان وقد كان به جاحدا فلا مناص له من الإقرار بقيام الحجة عليه يوم القيامة بتلك التجلي. Donc il dit que donc au jour de la résurrection on va voir Allah, jusqu'à ce qu'il dise par la suite, celui qui a nié la vue d'Allah au jour de la résurrection, eh bien la preuve va être établie contre son égarement, puisque Allah subhanahu wa ta'ala va se manifester à eux au jour de la résurrection. C'est-à-dire Allah va se manifester à ceux-là, ceux qui niaient qu'ils allaient voir Allah, Allah va se manifester à eux au jour de la résurrection, alors qu'auparavant ils niaient ce que les croyants affirmaient. C'est-à-dire que ce jour-là, ils ne pourront plus nier ce que Allah s'était donné comme attribut et que les croyants avaient affirmé, puisqu'ils vont le voir par eux-mêmes avec leurs propres yeux. Donc ils ne pourront plus le nier, et l'argument sera établi à ce moment-là contre eux de façon irréfutable. Et il dit ensuite l'imam Ibn al-Majishun, wa qala al-muslimun ya rasul Allah hal nara rabbana. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب قالوا لا قال فإنكم ترون ربكم كذلك. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Abi Huraira radiallahu anhu. Hein? Il dit que au jour de l'imam Ibn al-Majishun, il cite ce hadith. Il dit, les musulmans vont dire, ô messager d'Allah, est-ce qu'on va voir notre Seigneur? Ça c'est dans le hadith. Hein? Est-ce qu'on va voir notre Seigneur? Et qu'est-ce qu'il a répondu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'il a répondu en disant, non, non, ça c'est quelque chose d'impossible, vous ne pouvez pas le voir? Non. Au contraire, il leur a dit le contraire de ça, il leur a dit, si le soleil est dans le ciel et qu'il n'y a pas de nuages, est-ce que vous avez de la difficulté à le voir? Ils ont dit non. Il dit, et si la lune, et si c'est la pleine lune la nuit, et que dans le ciel il y a la lune et qu'il n'y a pas de nuages, est-ce que vous avez de la difficulté à voir la lune? Ils ont dit non. Alors, qu'est-ce qu'il a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, alors vous allez voir votre Seigneur ainsi. Hein? C'est-à-dire, vous n'aurez aucune difficulté à le voir vous aussi. Vous n'aurez aucune difficulté à le voir vous aussi. Et donc ça c'est le hadith 6573 dans Sahih al-Bukhari et le hadith 182 dans Sahih Muslim rapporté selon Abi Huraira. Hein? Et donc c'est pour dire que c'est quelque chose qui est clair dans la Sunna, que Allah sera vu et qu'on doit affirmer cet attribut et que personne n'a le droit de nier que Allah subhanahu wa ta'ala sera vu au jour de la résurrection. Maintenant, l'imam Ibn al-Majishun passe à un autre exemple pour encore une fois affirmer la position des salafs et la méthodologie des salafs au sujet des noms et des attributs d'Allah. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il affirme l'attribut du pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah a un pied. Maintenant, tu vois les gens de bid'a parmi les Jahmiyyah et les Mu'tazila et les Asha'ira, ils disent, ah, ces gens-là, ils sont fous, ils affirment que Allah a un pied. Et nous, on leur dit, c'est le messager d'Allah qui a dit ça. Est-ce que vous allez dire que le messager d'Allah, hein, est fou? A'udhu billah. Hein? Donc, si vous dites que les salafis, les gens qui suivent la voie des salafs sont fous parce qu'ils affirment quelque chose, que c'est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a mentionné, alors vous êtes en train indirectement, que vous le vouliez ou non, d'insulter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et même que vous êtes en train d'insulter Allah lui-même, puisque c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a affirmé. Plusieurs des attributs que ces gens-là nient, c'est des attributs affirmés par Allah dans le Coran. Hein? Donc ça c'est grave. La suite c'est « وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ لَا تَمْتَلِئُ النَّارُ حَتَّى يَضَعَ الْجَبَّارُ فِيهَا قَدَمَهُ فَتَقُولُ قَطْ قَطْ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ. Donc, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme c'est rapporté, hein, c'est un hadith qui est très connu et très célèbre, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, hadith authentique aussi, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le feu de l'enfer, l'enfer va être rempli. Le feu ne va pas être rempli, l'enfer ne va pas être rempli jusqu'à ce que Allah, Al-Jabbar, hein, le contraignant, le Tout-Puissant, va mettre son pied sur l'enfer. Et à ce moment-là, l'enfer va dire « qat, qat » ou « qatin, qatin ». Et à ce moment-là, hein, l'enfer va se rétrécir sur lui-même. Hein, se rétrécir sur lui-même. C'est à ce moment-là, donc. Et ça, c'est pour montrer en même temps la miséricorde d'Allah. Hein, la miséricorde d'Allah. Parce que dans le paradis, hein, quand le paradis ne sera pas rempli, Allah subhanahu wa ta'ala va créer des créatures pour le remplir par sa miséricorde. Mais l'enfer, il ne crée pas des nouvelles créatures pour remplir l'enfer, non. Il met son pied dessus et l'enfer s'écrase sur lui-même ou se rétrécit sur lui-même. Hein, parce que dans le verset de Surat Qaf, hein, يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد le jour où nous dirons à l'enfer es-tu rempli et elle répondra est-ce qu'il y en a d'autres est-ce qu'il y en a plus encore hein? Et dans le tafsir de ce verset c'est là que on mentionne le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit hein, que l'enfer ne sera pas rempli jusqu'à ce que Allah, Al-Jabbar, mette son pied dessus. Et lorsqu'il met son pied dessus, c'est là qu'elle s'écrase sur elle, qu'elle se rétrécit sur elle-même. Hein? Et non. وهذا الحديث فيه إثبات القدم لله والرد على من أنكره. Donc ce genre de hadith, c'est l'affirmation des attributs d'Allah et du pied que Allah a un pied et la réfutation de ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira entendent ce genre de hadith, yani ils perdent la tête, ils deviennent fous de rage. Hein? Ils deviennent fous de rage et de colère parce qu'on a affirmé yani, ces attributs que Allah et que son messager ont mentionnés dans la révélation. Ils deviennent fous de rage contre les gens de la Sunna parce qu'ils détestent entendre ce genre de hadith. Ils détestent entendre ce genre de hadith et ils essaient d'imaginer et de comprendre les attributs d'Allah comme ils essaient de comprendre. Mais comment il est le pied? Comment il est la main d'Allah? Comment il est le pied d'Allah? Ça, c'est pas votre problème. Vous avez même pas le droit d'essayer d'imaginer le pied d'Allah. Le pied d'Allah correspond à sa grandeur et à sa majesté. Et elle ne ressemble pas aux pieds et aux mains et aux attributs des créatures. Le Créateur a des attributs qui conviennent au Créateur et les créatures ont des attributs qui conviennent aux créatures. N'essayez pas de les imaginer. N'essayez pas de faire des ressemblances ou de les comparer avec la créature. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le Créateur, le Tout-Puissant. Rien ne lui ressemble. Naam. Donc ça c'est la voix de Ahl Sunnah. Ce hadith il est rapporté, le hadith que j'ai cité, il est rapporté par Al-Bukhari. Il est rapporté par Al-Bukhari et il est rapporté également par l'imam Muslim. Donc, si vous voulez, je vais vous donner même la référence exacte, comme ça vous pouvez aller vérifier par vous-même. Non. Le hadith qui mentionne que Al-Jabbar, Allah subhanahu wa ta'ala, va mettre son pied sur l'enfer, c'est le hadith 2654 dans Sahih Muslim. 2664 dans Sahih Muslim. Et il y a d'autres narrations de ce hadith-là que vous pouvez trouver aussi dans Al-Bukhari aussi. Si vous voulez, pour le moment, vous pouvez retourner au Sahih de l'imam Muslim, puis vous trouvez ce hadith-là. Un autre exemple qu'est-ce que l'imam Ibn al-Majishun a cité, c'est l'affirmation de l'attribut du rire. L'affirmation de l'attribut du rire. Donc, que Allah subhanahu wa ta'ala rit. Quand tu dis ça aux gens de Bid'a, parmi les Jahmiya, les Mu'tazila, les Asha'ira, les Maturidiya, eux, ils nient ça. Et ils refusent de l'affirmer. Parce qu'ils disent, mais si on affirme qu'Allah rit, ça c'est de faire ressembler Allah à sa création. Et nous, on leur dit non. Si, c'est qui est-ce qui nous a dit qu'Allah rit? C'est le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. est-ce que le messager d'Allah ment? A'ouzou billah. Hein? Hacha. Donc, il ne ment pas, il dit la vérité. Et il nous a dit qu'il rit. Et donc, on est obligé d'y croire. Et on doit l'affirmer. Mais en même temps, on tient compte des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous explique qu'il n'y a rien qui lui ressemble. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. Rien ne lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il rit. Et son rire n'est pas comparable au rire des créatures. Et il y a le hadith qui est cité ici, qui est le hadith de Thabit ibn Qais, qui est rapporté par Al-Bukhari. C'est le hadith 3798. Il est rapporté aussi par l'imam Muslim. C'est le hadith 2054. Et il y a d'autres narrations aussi de ce hadith-là. Donc, qu'est-ce qu'il dit le hadith ? لَقَدْ ضَحِكَ اللَّهُ مِمَّا فَعَلْتَ بِضَيْفِكَ الْبَارِحَةَ. Donc c'est le hadith de Thabit ibn, à propos de Thabit ibn Qais. Et si je me souviens bien de qu'est-ce qui était mentionné dans cette histoire de ce hadith, c'est que Thabit ibn Qais avait accueilli chez lui un invité. Il avait accueilli chez lui un invité et il n'avait pas beaucoup de choses à manger. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Yanni, si je me souviens bien, Yanni, il a pris la nourriture qu'il avait, il l'a donnée à ses invités. Puis lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis des choses dans l'eau. Il a fait croire aux enfants qu'il y avait de la nourriture jusqu'à ce qu'ils s'endorment. Et puis après, Yanni, finalement, il n'y avait rien qui cuisait. C'était juste pour faire croire aux enfants qu'il y avait quelque chose à manger. Puis après, ils se sont endormis sans rien manger, mais c'est pour dire qu'il a donné précédence à ses invités sur lui-même. En tout cas, c'est ça que je crois. Yanni, si je me souviens de l'histoire du hadith en question. Puis après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit le lendemain à Thabit ibn Qais, Allah a ri de ce que tu as fait avec ton invité hier soir. Et donc, c'est pour dire que il a approuvé, Allah subhanahu wa ta'ala a ri de ça. Et il dit, وَهَذَا الْحَدِيثِ فِيهِ إِثْبَاتُ الضَّحِكِ لِلَّهِ كَمَا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ وَأَهْلُ الْبِدَعِ يُنْفُونَ هَذِهِ الصِّفَةِ وَغَيْرِهَا وَلَكِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ شَجًّا فِي حُلُوقِهِمْ وَقَدْ وَرَدَ فِي إِثْبَاتِ ضَحِكِ الرَّبِّ تعالى غير ما ذكره المصنف كما في الحديث أن الله يضحك من رجلين يقتل أحدهما لآخر كلاهما يدخلان الجنة فنثبت الضحك لله كما نثبت سائر صفاته وننفي عنه المماثلة ولا نقول الضحك كالضحك فضحك الله يليق به وبكماله وضحك المخلوق يعني يليق به ويعني وبعجزه. نعم. Donc c'est ça. C'est que ça, c'est un hadith authentique dans l'affirmation du rire à Allah subhanahu wa ta'ala tel qu'il convient à sa grandeur et à sa majesté et à sa perfection. Tandis que les gens de Bid'a, eux, ils nient cet attribut-là et ils nient beaucoup d'autres également. Et ces hadiths-là sont en réalité comme des épines dans la gorge des gens de Bid'ah, puisque c'est des hadiths qui affirment les attributs d'Allah. Et il y a beaucoup d'autres hadiths dans la question de l'affirmation des attributs d'Allah, autres que celui-là. Comme par exemple, le hadith qu'on a déjà cité, qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala rit par rapport à deux hommes. L'un a tué l'autre et les deux rentrent au paradis. C'est un musulman qui fait le djihad et qui combat, et dans le combat, durant le combat, il tue un mushrik ou un kafir. Et ce mushrik et ce kafir, c'est le mushrik qui tue le musulman. Le mushrik tue un musulman dans le djihad. Et après, par la suite, yani, il devient musulman, puis il va lui aussi combattre pour défendre la religion d'Allah, et il se fait tuer lui aussi. Et les deux hommes rentrent au paradis. Le premier qui a tué l'autre, et l'autre qui s'est fait tuer par la suite, les deux rentrent au paradis, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah rit de ces deux hommes-là. Et bien entendu, le rire d'Allah, c'est pas comparable au rire des créatures. Et c'est un rire dans lequel il n'y a aucune imperfection, aucune imperfection, aucune défaillance. C'est un rire qui convient au Créateur. Le rire de la créature, c'est le rire de la créature, et le rire du Créateur, c'est le rire du Créateur qui n'est que perfection, qui n'est que bien. Il n'y a aucune imperfection dedans, aucun mal dedans. Il y a aussi un autre hadith qui mentionne le rire à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est justement le hadith suivant que l'imam Ibn al-Majishun a cité. Il dit wa qala fi ma balaghana inna Allah la yadhhaku min azallikum wa qunutikum wa sur'ati ijabatikum. فقال له رجل من العرب إن ربنا لا يضحك قال نعم قال لا نعدم من رب يضحك خيرا وفي أشباه لهذا مما لم نحصيه. Donc il dit ici يعني الله يلغي min azallikum wa qunutikum, c'est-à-dire yani min dhiqikum wa ya'sikum, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala il rit de votre perte d'espoir, comment vous perdez rapidement l'espoir et comment vous êtes yani dans la détresse, dans la difficulté, il rit de ça et comment il yani répond rapidement à votre détresse. وفي لفظ آخر يعلم أن فرجكم قريب, c'est-à-dire il rit de votre détresse et de votre désespoir alors qu'il sait que la délivrance est proche pour vous, alors qu'il sait que la délivrance est proche pour vous. Et الأزل يعني الضيق والشدة. أي نعم. Donc c'est ça, le hadith c'est ça, c'est un hadith qui dit, et le hadith il est authentique. L'imam Cheikh Al-Albani il l'a mentionné dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha. Le hadith, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il rit de votre, de la difficulté et de votre détresse et de votre désespoir, alors qu'il sait que vous allez être exaucé rapidement, ou que la délivrance est proche, et qu'il va vous répondre rapidement. Alors, un d'entre les gens qui étaient là parmi les Bédouins, il a dit, est-ce que notre Seigneur rit? Il n'a pas nié, il n'a pas dit au messager d'Allah, oh non, il ne faut pas dire ça, il ne faut pas croire en ça. Non, les salafs, ils affirmaient les attributs, croyaient en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Donc il a seulement posé la question, est-ce que notre Seigneur rit? Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Alors il a répondu quoi? Il a répondu comme un mu'min, comme un croyant qui croit en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit. Il a dit, dans ce cas-là, on ne peut jamais, on ne manquera jamais de bien d'un Seigneur qui rit. On ne manquera jamais de bien de la part d'un Seigneur qui rit. C'est pour dire que si Allah subhanahu wa ta'ala rit, eh bien, on va jamais perdre espoir en, en un Seigneur pareil, parce que hein, s'il rit, c'est un bon signe. Hein, c'est un bon signe pour nous. Et donc, c'est pour montrer que il s'est soumis à l'information qu'il a reçue du messager d'Allah, et il a cru en ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il n'a pas vu, comme contrairement aux gens de Bid'a aujourd'hui parmi les Jahmiyyah et les Asha'ira et les Maturidiyya et les Mu'tazila, qui nient les attributs, qui voient toujours du mal, hein, ou qui font des ressemblances entre le Créateur et la créature. Lui, il n'a pas fait de ressemblance entre le Créateur et la créature, où il n'a pas vu d'imperfection dans ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donné comme attribut et description à Allah subhanahu wa ta'ala. Bien au contraire, il a vu la perfection qu'il y avait là-dedans. La perfection qu'il y avait là-dedans qui est donnée à Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'il sait, tel qu'il a été décrit par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Ibn al-Majishun, il dit ici que cet exemple de hadith au sujet de cet attribut, eh bien, il y en a beaucoup d'autres, hein, et on peut même pas les compter tellement il y en a de nombreux hadiths comme ça. Ensuite, et là, on va passer à la suite de ce que l'imam Ibn Majishun a mentionné comme affirmation d'attribut aussi, l'affirmation de l'ouïe, de la vue, des yeux et des mains, dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, tel que c'est affirmé dans la révélation et tel que les salafs l'ont affirmé, dont Ibn al-Majishun fait partie, puisqu'il fait partie des imams des salafs. Il dit « Wa qala ta'ala wa huwa sami'u al-basir » Il dit « Wa qala ta'ala wa huwa sami'u al-basir » Donc il affirme « Lui et la vue » dans le verset 11, dans surat Shura. Et également, il dit « Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina » Et endure, hein, dans le jugement de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux, hein, tu es sous notre regard. Donc on affirme les yeux à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'affirmation des deux yeux, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari, inna rabbakum laysa bi'awar. Hein? C'est-à-dire, votre Seigneur n'est pas borgne. Hein? Borgne, ça veut dire celui qui a un seul œil. Donc, il dit, votre Seigneur n'est pas borgne. Donc, il a deux yeux. Et on l'affirme. On l'affirme à Allah subhanahu wa ta'ala, tel qu'il s'est décrit lui-même. Et c'est rapporté dans le hadith 4402 par l'imam al-Bukhari, selon Ibn Omar, qui dit que votre Seigneur n'est pas borgne. Et c'est rapporté dans le hadith 169 par l'imam Muslim également, selon Ibn Omar, dans une autre narration semblable. Et c'est rapporté également selon Anas dans Al-Bukhari aussi, le hadith 7131. Et également par Muslim, le hadith 2933. Et la narration de Muslim, et c'est comme la narration de Muslim selon Ibn Omar, telle qu'elle est dans Al-Bukhari. Donc tout ça, c'est des paroles qui nous montrent qu'on est obligé d'affirmer les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il a des yeux, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous explique qu'il a deux yeux, hein, il n'est pas borgne, contrairement au Dajjal qui est borgne, hein. Et il dit wa qala ta'ala وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي C'est dans surat Taha, le verset 39. Taha, le verset 39. Et là, il dit, c'est ça, afin que tu sois élevé sous mon œil. Hein, afin que tu sois élevé sous mon œil. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala qui me surveille. Hein. Et il dit, wa qala ta'ala, ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. Comme c'est mentionné dans l'histoire, يعني dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans Surat Sad, le verset 75. Il dit à Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes deux mains? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains. Et on doit affirmer qu'il a deux mains. Et aussi dans le verset, yani, وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. Ce verset-là, il n'est pas mentionné par l'imam Ibn al-Majishun, mais c'est un verset que les ulama mentionnent souvent par rapport à l'affirmation de la main, des mains d'Allah. Les juifs ont dit, la main d'Allah est fermée. Que leurs mains soient fermées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils ont dit. بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاء. Mais ses deux mains sont grandes ouvertes et il donne de ses grâces comme il veut. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala affirme les mains. Et l'imam Ibn al-Majishun, il mentionne le verset 67 dans Surat al-Zumar, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَدَّتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire il va faire au jour de la résurrection, il va faire une poignée de la main, il va faire une poignée de la terre, il va faire une poignée de la terre et il va fermer les cieux dans sa main droite. Il va faire une poignée de la terre, il va fermer les cieux dans sa main droite, comme c'est mentionné dans le verset dans Sourate Az-Zumar, le verset 67. والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Donc tout ça c'est des versets qui affirment que Allah subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, il va prendre les cieux et la terre dans sa main droite, il va les fermer dans sa main droite. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création. Il est le plus grand, le plus fort, le plus grand, et il est parfait. Il est au-dessus de tout. Et il dit, l'imam Ibn al-Majishun, après, il dit, فَوَاللَّهِ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ عِظَمِ مَا وَصَفَ مِنْ نَفْسِهِ وَمَا تُحِيطُ بِهِ قَبْضَتُهُ إِلَّا صِغَرُ نَظِيرِهَا مِنْهُمْ عِنْدَهُمْ إِنَّ ذَلِكَ الَّذِي ألقى في روعهم وخلق على معرفة قلوبهم فما وصف الله من نفسه فسماه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم سميناه كما أسماه ولم نتكلف منه صفة ما سواه لا هذا ولا هذا ولا نجحد ما وصف ولا نتكلف معرفة ما لم يصف. Oui, non. Donc, il dit ici par Allah, ils n'ont pas compris la grandeur de ce par quoi Allah s'est décrit lui-même, du fait qu'il les enveloppe, il enveloppe la création, il fait de la création tout entière quelque chose qu'il ferme dans sa main, et ça nous montre à quel point la création d'Allah est petite, et comment lui est immense. Et donc, il dit ici, إِنَّ ذَلِكَ الَّذِي أَلْقَى فِي رَوْعِهِمْ. الروع هو القلب. الروع في روعهم. الروع هو القلب. والروع بفتح الراء هو الوجل والخوف. أي نعم. أما الروع فهو القلب، فكما في قوله إن روح القدس نفث في روعه، واختلاف الضبط في بعض الكلمات إن كانت صورة اللفظ واحدة قد يؤدي لاختلاف المعنى. أي نعم. ويضبط باختلاف الحركات والمعنى هو. Donc il dit الروع et الروع il y a ce mot-là, il peut s'écrire avec une fatha ou une dhamma. On peut dire ru', et quand on dit ar-ru', c'est le cœur, ou on peut dire ar-ra'. Et ar-ra' avec la fatha, ça veut dire la peur. Hein? Et donc, des fois, yani, si on change la haraka, ça peut changer la signification du mot. D'accord? Donc ici, yani, ils l'ont écrit dans cette édition-là comme ça, avec la fatha. C'est pour dire yani, leur peur et leur crainte. Et dans ce sens-là, bien entendu, si c'est leur peur ou leur crainte, « Inna zalika alladhi alqa fi raw'ihim wa khalaq wa khuliqa ala ma'rifati qulubihim fama wasafa Allah min nafsihi fasammahu ala lisani rasulihi sallallahu alayhi wa sallam sammaynahu. » Donc, yani, quand on entend ce genre de description de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il parle à propos de sa personne dans Surat Az-Zumar, quand il décrit qu'il va prendre les cieux et la terre et il va les fermer dans sa main droite, au jour de la résurrection, il en fait une poignée, hein, c'est certain que lorsque on entend ce genre de choses, ça ramène de la crainte dans notre cœur, hein, parce qu'on réalise la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et on comprend donc que on a été créé pour connaître ce que Allah nous a décrit de sa personne dans sa révélation, soit par lui-même, de qu'est-ce qu'il a mentionné dans le Coran, ou de qu'est-ce qu'il a mentionné de la langue de son messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sunna. Ce qu'il a mentionné à propos de sa personne comme nom et comme attribut, on l'affirme et on le dit, et ce qu'il n'a pas mentionné, eh bien, on n'essaie pas de rentrer dedans pour essayer de l'imaginer et essayer de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par des choses qu'il ne nous a pas mentionnées. Et en même temps, on ne nie pas ce qu'il a établi comme attribut pour sa personne. Hein? Et on n'essaie pas de chercher à comprendre ou connaître ce qu'il ne nous a pas décrit, ce qu'il ne nous a pas dit comme attribut. Et c'est ça le manhaj des salaf. Et c'est ça que l'imam Ibn al-Madishun a mentionné ici, qui a été rapporté par Al-Athram, qui a été rapporté par Ibn Battah, qui a été rapporté par l'imam At-Talmanki, et par beaucoup d'autres également, parmi les imams des Salaf, et parmi eux justement, l'imam Ibn Taymiyyah, qui a cité cette parole de l'imam Ibn al-Madishun dans Al-Fatwa al-Hamawiyyah, comme témoignage, hein, et comme confirmation et affirmation de la voix des salafs au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit ensuite, parce que c'est pas fini encore, al-ismatu fi al-din wa al-rusukh fi al-ilm an tantahi fi al-din haythu intaha bika wa la tujawizhu. Si tu veux être préservé dans ta religion et être épargné de l'erreur et de l'égarement et être fermement enraciné dans la science, tu dois t'arrêter dans ta religion là où elle s'arrête et ne pas dépasser la limite de ce qui est révélé dans la religion. Sinon, tu t'égares, hein, comme se sont égarés les gens de Bid'ah. Hein, et les gens de la philosophie et les gens de Kalam, hein, Allahul Musta'an. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite l'imam Ibn al-Madishun? Il dit I'lam rahimakallah anna al-isma fi al-din an tantahi fi al-din haythu intaha bik wa la tujawizu ma qad hadda lak fa inna min qiwam al-din ma'rifat al-ma'ruf وإنكار المنكر فما بسطت عليه المعرفة وسكنت إليه الأفئدة وذكر أصله في الكتاب والسنة وتوارث علمه الأمة فلا تخافن في ذكره وصفته من ربك ما وصفه من نفسه عيبا ولا تكلفن لما وصف لك من ذلك قدرا وما أنكرته نفسك ولم تجد ذكره في كتاب ربك فلا في لا في الحديث ولا في الحديث عن نبيك من ذكر ربك فلا تتكلفن علمه بعقلك ولا تصفه بلسانك واصمت عنه كما صمت الرب عنه من نفسه فإن تكلفك معرفة ما لم يصف من نفسه بإنكارك ما وصف منها فكما أعظمت ما جحد الجاحدون مما وصف من نفسه فكذلك أعظم تكلف ما وصف الواصفون مما لم يصف منها. Après, donc on va expliquer ça ici, qu'est-ce qu'il dit l'imam Ibn al-Madishun ici, il dit, sache qu'Allah te fasse miséricorde, que si tu veux être dans la voie, dans ta religion, tu veux être protégé dans ta religion, de tomber dans l'égarement, tu dois t'arrêter là où ta religion s'arrête. Et tu ne dois pas dépasser cette limite. Parce que les fondements de la religion sont de reconnaître ce qui est connu et de dénoncer ou de condamner ce qui est mauvais. De reconnaître ce qui est bon et de condamner ce qui est mauvais. Donc ce qui a été mentionné comme connaissance et que les cœurs ont été en paix à sa mention, parce qu'à la base c'est dans le Coran et dans la Sunna et la Ummah l'a hérité de génération en génération, alors n'aie pas de crainte de le mentionner à propos de ton Seigneur, puisque ça fait partie de ce que ton Seigneur a mentionné à propos de sa propre personne. Il n'y a pas de défaut là-dedans. Et en même temps, n'essaie pas de te charger de décrire yani ce qui a été mentionné de ces choses-là. Ne dépasse pas la limite. Et ce que tu trouves en toi-même, yani que tu rejettes, mais qui n'a pas été mentionné par ton Seigneur dans son livre ou par ton messager dans le hadith, à propos de la description de ton Seigneur, la mention de ton Seigneur, eh bien, n'essaie pas de le comprendre par ta raison ou par ta logique. Et n'essaie pas de le décrire par ta langue. Tais-toi. Comme Allah subhanahu wa ta'ala s'est tu à ce sujet-là. Il n'a pas parlé de ça par rapport à sa personne. Donc toi-même, n'en parle pas non plus. Parce que si tu essaies de connaître et de parler de ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas parlé à propos de sa propre personne, comme par exemple de nier ce qu'il sait donner lui-même comme attribut, j'essaie de le nier, alors que tu n'as pas de connaissance à propos de ces choses-là, tu nies ce que tu ne sais pas, alors ça c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Donc la même manière que tu as trouvé grave le fait que ceux qui ont nié les attributs d'Allah de ce qu'il s'est décrit par lui-même, Allah il s'est décrit d'une façon et certains sont venus nier ce qu'il a décrit, ça c'est grave. Donc si tu trouves ça grave, eh bien tu dois également trouver grave le fait d'essayer de décrire Allah subhanahu wa ta'ala par ce par quoi il ne s'est pas décrit lui-même. وهذا على حد سواء كما انه لا يجوز للانسان ان ينكر شيئا من اسماء الله وصفاته فليس له ان يخترع لله عز وجل اسماء وصفات من عند نفسه لأن الأسماء والصفات توقيفية فلا يثبت لله منها إلا ما ثبت في الكتاب والسنة. Donc, de la même manière que tu ne dois pas nier les attributs d'Allah, ce qui est mentionné par Allah et son messager comme nom et attribut, tu l'affirmes. De la même manière, tu ne dois pas non plus inventer des noms et des attributs à Allah qu'il ne s'est pas donné lui-même. Parce que les noms et les attributs sont des choses qui sont limitées à la révélation. Tu t'arrêtes à ce qui est mentionné dans la révélation et tu ne dépasses pas cette limite-là. Tu n'affirmes pas autre que ce que Allah a affirmé et tu ne nies pas autre que ce que Allah a nié. Et ça, c'est la voie du salut. C'est la voie du salut par rapport au nom et aux attributs et par rapport à la religion, hein, et à la croyance en général. Après, il dit فَقَدْ وَاللَّهِ فَقَدْ وَاللَّهِ عَزَّ الْمُسْلِمُونَ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ الْمَعْرُوفَ وَبِمَعْرِفَتِهِمْ يُعْرَفْ وَيُنْكِرُونَ الْمُنْكَرْ وَبِإِنْكَارِهِمْ يُنْكَرْ يَسْمَعُونَ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَفْسَهُ مِنْ هَذَا فِي كِتَابِهِ وَمَا يَبْلُغُهُمْ مِثْلُهُ مِنْ نَبِيِّهِ فَمَا مَرِضَ مِنْ ذِكْرِ هَذَا وَتَسْمِيَتِهِ قَلْبُ مُسْلِمٍ وَلَا تَكَلَّفَ صِفَةَ قَدْرِهِ وَلَا تَسْمِيَةَ غَيْرِهِ مِنَ الرَّبِّ مُؤْمِنٍ وَلَا تَكَلَّفَ صِفَةَ قَدْرِهِ وَلَا تَسْمِيَةَ غَيْرِهِ مِنَ الرَّبِّ مُؤْمِنٍ وما ذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سماه من صفة ربه فهو بمنزلة ما سمي وما وصف الرب تعالى من نفسه والراسخون في العلم الواقفون حيث انتهى علمهم الواصفون لربهم بما وصف من نفسه التاركون لما ترك من ذكرها لا ينكرون صفة ما سمي منها جحدا ولا يتكلفون وصفه بما لم يسمي تعمقا لأن الحق ترك ما ترك وتسمية ما سمى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وهب الله لنا ولكم حكما وَأَلْحَقَنَا بِالصَّالِحِينَ انتهى كلامه رحمه الله. Donc il dit ensuite, il dit par Allah, les musulmans qui ont reconnu le bien, et c'est par leur reconnaissance qu'on l'a reconnu, et qui condamnent le mal, et c'est par leur condamnation qu'on l'a condamné et qu'on le condamne, eux, ils entendent ce que Allah a décrit de sa personne dans son livre et ce qui a été transmis de semblable de la part de son prophète, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il n'y a pas aucun d'entre les musulmans qui est devenu malade du fait d'avoir mentionné ou d'avoir nommé Allah subhanahu wa ta'ala par quoi que ce soit de cela. C'est-à-dire, il n'y a personne qui, parmi les musulmans, qui devient malade ou devient égaré dans sa religion parce qu'il a cité ou parce qu'il a cru ou parce qu'il a décrit Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah s'est décrit lui-même ou parce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a mentionné comme attribut à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui disent non, les versets et les hadiths qui mentionnent les attributs d'Allah, il ne faut pas les mentionner devant les awam ou devant les musulmans du commun, parce que s'ils entendent ça, ils vont faire des formes d'association ou du shirk ou des choses comme ça ou de l'égarement. Et ça, c'est de l'ignorance, yani, puisque il faut enseigner aux musulmans, yani du commun, et à tous les musulmans, les noms et les attributs d'Allah, et il faut qu'ils connaissent leur Créateur. Ça, c'est quelque chose de très important. Ensuite, il dit, et on ne doit pas non plus essayer de dépasser la limite, hein, en se chargeant d'essayer de décrire Allah parce qu'il ne sait pas décrire lui-même. Aucun croyant ne doit faire ça. Et ce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné comme nom ou comme attribut de son Seigneur, c'est au même degré que ce que Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a mentionné à propos de lui-même comme attribut et comme nom. Hein? C'est au même degré. Parce que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une révélation. Quand il parle, c'est une révélation. Et donc, ce qu'il dit à propos d'Allah, c'est comme ce qui est dans le Coran. Et il dit que les hommes qui sont fermement enracinés dans la science, qui se sont arrêtés à la limite de leur science, eh bien, eux, ils décrivent leur Seigneur tel qu'il s'est décrit lui-même, et ils laissent de côté ce qui a été laissé de côté de cette mention, c'est-à-dire il délaisse ce qui a été, ce qui n'a pas été mentionné, et il ne nie pas quoi que ce soit de ce qui a été mentionné comme attribut d'Allah pour le nier, comme contrairement à ce que font les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiya et ceux qui leur ressemblent, et il ne se charge pas non plus d'essayer de donner à Allah des attributs qu'il n'a pas mentionné pour lui-même, hein, pour essayer de compliquer la religion ou de rendre la religion plus compliquée, parce que la vérité, c'est qu'on doit laisser ce que Allah a laissé et ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a laissé, on le laisse, et ce qu'il a mentionné comme nom et comme attribut, on le mentionne. Et celui, et le cheikh il cite le verset 115 en sourate An-Nisa, qui dit, et celui qui suit autre que la voie des croyants, c'est-à-dire autre que la voie des salaf al-salih, les sahaba, et ceux qui les ont suivis, celui qui suit autre que la voie des croyants, nous le laisserons se détourner tel qu'il s'est détourné, et nous le brûlerons en enfer, et quelle mauvaise destination. Hein? Et que Allah subhanahu wa ta'ala nous inspire et nous donne à nous et à vous yani le bon jugement, et qu'il nous fasse rejoindre les gens vertueux et pieux. Et donc ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Majishun. C'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Majishun. Et il dit وَهَذَا كَلَامٌ il dit وَهَذَا كَلَامٌ وَهَذَا كُلُّهُ كَلَامُ ابْنُ الْمَاجِشُونَ الإمام فتدبره وانظر كيف أثبت الصفات ونفى علم الكيفية موافقة لغيره من الأئمة وكيف أنكر على من نفى الصفات بأنه يلزمهم من إثباتها كذا وكذا كما تقوله الجهمية أنه يلزم أن يكون جسما أو عرضا فيكون. Donc il dit, regardez, l'imam Ibn Taymiyyah, il dit, regardez, tout ça c'est la parole de l'imam Ibn al-Majishun, cet imam. Donc méditez sur cette parole de l'imam Ibn al-Majishun, et regardez comment il a affirmé les attributs, et comment il a nié la connaissance du commun, tout en, et comment il a été en accord avec les autres d'entre les imams comme lui, qui ont affirmé les attributs d'Allah et qui ont nié le commun. Et regardez comment il a également condamné ceux qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant que ils font des implications, en disant que si on affirme tel attribut, ça impliquerait que ça voudrait dire telle chose ou telle chose. Et ça, c'est la même attitude que l'attitude des Jahmiya et de ceux qui leur ressemblent. Hein, parce que les Asha'ira, les Ahbash, les Maturidiya, ils font les mêmes suppositions. Ils disent, mais si on affirme telle chose, ça implique que Allah est un corps, ou ça implique que Allah est ci, ou ça implique que ça. Et donc, ils utilisent ces shubuhat, et ils parlent en utilisant des choses que Allah n'a pas mentionnées, et que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas mentionnées, pour essayer de nier les noms et les attributs d'Allah. En disant le corps, ou l'endroit, ou l'espace, ou le lieu, et il nie ces choses-là, sans se référer à aucune révélation. Et c'est ça l'égarement des Jahmiyyah, qui nient les attributs et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc avant de passer à la fin du cours, juste j'aimerais vous mentionner la parole de Cheikh Ibn Baz à propos de cette parole de l'imam Ibn Majishun qu'on a lu aujourd'hui. Cheikh Ibn Baz, il dit, qala samahatu Cheikh rahimahullah wa hadha huwa al-haq. الإمام ابن الإمام عبد العزيز ابن عبد الله الماجشون من أئمة العلم والهدى من أتباع التابعين رحمهم الله، وهذا الذي قاله هو الصواب وهو الحق الذي درج عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، وهو أن الواجب على العالم إثبات ما أثبته الله ورسوله من صفات الله وأسمائه على الوجه اللائق بالله جل وعلا، والإمساك عما لم يرد في الكتاب والسنة، فكما أنه يجب عليك إثبات ما أثبته الله ورسوله، فيجب عليك الكف عما لم ينطق الله به ورسوله. فالدين ليس بالآراء والاستحسانات، لكنه بالنقل، فما جاء عن الله ورسوله وجب السمع والطاعة له والإيمان به وإمراره كما جاء من أسماء الله وصفاته وشرائع دينه. ما لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسوله فالواجب الإمساك عنه، وأن لا تقول في حق ربك إلا بعلم وبصيرة عن الله أو عن رسوله عليه الصلاة والسلام. Donc on va commencer par traduire ça. Cheikh Samahat al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, il dit comme commentaire, après avoir lu la parole de l'imam Ibn al-Majishun, il dit ça, cette parole c'est une parole de vérité. Et il dit que l'imam Abdul Aziz ibn Abdullah al-Majishun fait partie des imams de la guidance et de la science. Et il fait partie des gens qui ont suivi les tabi'in, rahimahumullah. Il a étudié avec les tabi'in. Et il dit, ce qu'il a dit, c'est correct. Hein, c'est une parole qui est exacte. Et il dit que c'est la vérité sur laquelle... il dit, c'est la vérité que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont suivi, ainsi que ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et c'est-à-dire que l'obligation pour le savant, c'est qu'il doit affirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même, ainsi que son messager, comme nom, ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et comme attribut. Et ce que le messager a affirmé à Allah comme nom et comme attribut, eh bien nous devons l'affirmer de la manière qui convient à Allah subhanahu wa ta'ala, et nous devons nous retenir de ce qui n'est pas mentionné dans le Coran et dans la Sunna. De la même manière qu'il est obligatoire pour nous d'affirmer ce que Allah et son messager ont affirmé, eh bien il est obligatoire pour nous également de nous arrêter et de ne pas dire ce que Allah et son messager n'ont pas dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh Ibn Baz dit que la religion, c'est pas basé sur les opinions, hein, ou les points de vue des gens, ou ce qu'ils pensent être bon, mais la religion, c'est qu'est-ce qui est basé sur qu'est-ce qui a été transmis, qu'est-ce qui a été révélé et qu'est-ce qui a été transmis de la part d'Allah et de son messager. Il est obligatoire de l'écouter et de lui obéir et d'y croire et de le laisser tel quel, hein, de le laisser passer tel quel. Donc les noms et les attributs d'Allah, de même que les lois et les règles de sa religion, il faut les prendre tels qu'ils sont. Et ce qui n'est pas mentionné dans le livre d'Allah ni dans la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'est-ce qui est obligatoire pour nous, c'est de nous retenir à son sujet et de ne pas le mentionner, et de ne rien dire à propos de notre Seigneur que avec la science et avec la compréhension qui vient d'Allah et qui vient de son messager, hein, ou de son messager alayhi salatu wa salam. Ensuite le Cheikh Ibn Baz il dit: ولما وقعت الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أهل الكلام في هذا الباب بالخوض والآراء والاستحسانات وقعوا في الباطل وخرجوا عن الكتاب والسنة وكفروا أهل السنة والجماعة وبدعوهم وضللوهم وأنكروا عليهم وحاربوهم. بسبب أنهم تكلفوا بما لم ينزل الله به سلطانا وقالوا على الله بغير علم وعلى رسوله بغير علم فضلوا وأضلوا. فالواجب الاتباع وعدم الخروج عما جاءت به الأدلة الشرعية. Donc, ça c'est la fin de la parole de l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que lorsque les Jahmiyyah et les Mu'tazila, les gens de Kalam, les gens qui nient les attributs d'Allah, de même que les autres, c'est-à-dire les Asha'ira et les Maturidiyah, quand yani, ils sont rentrés dans les débats, les argumentations en se basant sur des opinions hein, et des choses qu'ils pensaient être bonnes, parmi les philosophies, les règles qu'ils ont inventées, ils sont tombés dans la fausseté. Et ils sont sortis du livre d'Allah et de la Sunna. Et à cause de ça, ils ont déclaré kuffar les gens de la Sunna. Et ils ont déclaré les gens de la Sunna mubtadi'a. Donc pour les gens de Kalam, les gens de la Sunna sont des kuffar et des gens de bid'a. Et ils nous ont déclaré, ils ont déclaré les gens de la Sunna comme étant des égarés. Et ils ont fait la guerre aux gens de la Sunna. Et ils les ont condamnés. Hein? Pourquoi? À cause du fait qu'ils se sont chargés de ce que Allah n'a pas révélé. Hein? Ils ont suivi, ils se sont imposés des choses que Allah n'avait jamais révélées. Et des choses au sujet desquelles Allah n'a donné aucune autorité et aucune preuve. Et ils ont dit à propos d'Allah sans science. Et ils ont dit à propos du messager des choses sans science. À propos d'Allah et à propos de yani, du messager. Ils ont parlé sans science et à cause de ça, ils se sont égarés eux-mêmes et ils ont égaré les autres musulmans. Alors, qu'est-ce qui est obligatoire pour les musulmans? C'est de suivre et de ne jamais sortir de ce qui est rapporté dans les preuves de la charia, c'est-à-dire dans le Coran et dans la Sunna. Donc ça, c'est la fin de cette citation du Cheikh Abdul Aziz Ibn Baz, rahimahullah. Et il y a une parole du Cheikh Salih al-Sheikh aussi que j'aurais voulu mentionner, mais étant donné que le temps est passé maintenant, on a dépassé le temps pour le cours, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va s'arrêter ici. Puis, Inch'Allah, au prochain cours, on revient sur le commentaire de Cheikh Abdul Aziz al-Sheikh, Cheikh Salih al-Sheikh, au sujet de cette parole de l'imam Ibn al-Majishun. Puis, on va lire la suite. Ensuite, c'est une parole de l'imam Abu Hanifa. C'est ensuite une parole de l'imam Abu Hanifa au sujet de la voix des salafs sur les noms et les attributs. Et c'est ça ce qu'on va lire, Inch'Allah, au prochain cours, c'est-à-dire dimanche prochain. Bi'iznillah. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayh. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.